Je t'ai cherché, borracho dans les rues, butant chaque pas sur l'amour perdu. Je t'ai cherché, des heures sans bouger, perdu désemparé. Mais il aurait fallu que je m'aide tant pour hurler comme ça moi, ma voix, quand elle saigne pour toi. Tu ne l'entends pas, mais tu n'étais pas là, peut-être même t'existais pas. J'aurais dû le savoir, mais je voulais rien voir. Et dans la nuit noire, je me suis remis à boire. Et j'ai maudit la vie, je t'ai cherché comme un taré. Dans Paris, la putain qui a une belle paire de seins. Oui, mais en profondeur, elle a perdu son cœur. Et dans la gorge, j'en ai un bout, et lui donne mon sang debout, en criant, en criant, en criant. Mais il aurait fallu que je n'hésite tant pour hurler comme ça moi, ma voix, quand elle saigne pour toi. Tu ne l'entends pas, tu ne l'entends pas.